Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ ou, qui sait, en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie à l'appareil en cette édition du 9 mars 2016 de Méloman. Petit retour sur la semaine passée, ben j'espère que vous n'avez pas manqué ça parce qu'on a atteint de nouveaux sommets, chers amis. Un super spécial 80, pas piqué des verres du tout, et il y en aura d'autres. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, n'oubliez pas, allez sur la page Facebook Méloman Radio, ou encore mieux, adhérez au groupe Facebook Méloman pour avoir des primeurs. Donc, bien du fun la semaine passée, ce soir aussi du plaisir en vue, mais avec un tout autre angle. On est encore dans un varié improbable, que voulez-vous, la folie a encore frappé. On lui rendra pas hommage malheureusement ce soir, mais juste souligner quand même le départ d'un très grand George Martin, le cinquième Beatles, sans qui plusieurs chefs-d'œuvre ne seraient jamais parvenus. Donc adieu Monsieur Martin et surtout un gros merci. Mais écoutez, vous le savez, hier 8 mars c'était la Journée internationale de la femme. Et bien, c'est pas une journée de retard qui va nous faire peur ici à Méloman. Ce soir, que des femmes à l'horizon, mais de vraiment tous les horizons possibles. C'est ça la seule contrainte, que ce soit des femmes. En fait, le seul homme que vous allez entendre, ce sera moi et peut-être M. Fournel et M. Bellemare à l'occasion pour nous rappeler qu'on est bien au 99.1 CFNJ et pour une petite météo en passant. Mais sinon, vraiment que des femmes à qui on rend un vibrant hommage ce soir parce qu'on les aime donc. Et on commence en brassant la cabane un peu. Quand on pense à femme et au rock, dans la même phrase, on pense souvent à Heart au 99.1 CFNJ. See you.

Vous êtes toujours à Mélomanes, au 99.1 CFNJ, où on célèbre aujourd'hui la femme en ce lendemain du 8 mars. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et vous avez sûrement constaté, encore une fois, que ça peut prendre toutes les directions. Notre seule contrainte, ben, c'est pas une contrainte, là, mais étant que ça soit féminin, tout simplement. Et pour être féminin, c'était féminin, mais disons du féminin qui déménage pas mal dans le dernier bloc. On vient d'entendre, bien sûr, Mme Gwen Stefani au sein de No Doubt en 96 avec Just a Girl, toute de circonstances, qui était précédée d'une très belle chanson de Mara Tremblay, Toutes les chances, tirée de son excellent album Tu m'intimides de 2008, que je vous conseille vivement d'ailleurs, très bon album. Et sinon, on était vraiment dans le gros rock, voire presque punk, des Runaways en 1976, un groupe entièrement féminin, au sein duquel on pouvait retrouver entre autres Lita Ford, qu'on pourrait presque appeler une des premières guitares hero féminines, et qu'on connaît surtout pour son duo avec Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, mais celle qui s'est définitivement le mieux démarquée et qui faisait aussi partie du groupe, c'est bien sûr John Jett, qui a eu des énormes succès, qu'on a d'ailleurs entendu la semaine passée dans notre spécial 80. Donc, les Runaways, vous irez écouter ça si ça vous intéresse. Et il y a même un film assez récent qui a été fait sur le groupe. On a entendu leur chanson Cherry Bomb, pas mal leur plus connue. Et toujours dans le gros rock, Heart, qui a amorcé notre spéciale Journée de la femme, un groupe formé par deux sœurs, les sœurs Wilson, deux fans finis de Led Zepp, qui ont décidé de se former un groupe. Et c'était une bonne idée. On a bien sûr entendu leur gros succès Barracuda de 1977. Et nous, on y retourne, un groupe dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien sur Facebook, mais on s'en reparle. On écoute Toon Yards au 99.1 CFNJ. Peace, peace and love, love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love. Slaps down, oh, the white face brown, world upside down, world upside down. Okay. He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Back and things will be fine. Hey, la, hey, la. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Bring me back the pain. Mélomanes, Mélomanes, Jour de la femme, au 99.1 et 88.9 CFNJ. Y'a que des femmes, comme dirait l'autre. Et là, ben oui, du gros, gros pop, mesdames et messieurs. Faut bien s'amuser un peu. Succès souvenir, en veux-tu, en v'là. Everybody, Everybody, de Black Box, en 1990, pile. Au tout début, toute la fameuse vague du dance des années 90. Et juste avant, mi-90, plus une chanson qu'on n'entend plus nulle part et qui vous a sûrement rappelé des souvenirs, « I Saw You Dancing » 1995 par Yakida. Et vous n'êtes pas fous si vous pensiez que c'était les Suédois d'Ace of Base, parce que c'est eux, en fait, qui ont composé cette chanson-là. Puis c'est même eux qui ont formé le groupe Yakida de toutes pièces. C'est pas eux qui faisaient partie du band, mais c'est eux qui ont formé le groupe. Donc Yakida, un « One Hit Wonder » en force. Donc, on en apprend tous les jours, mais moi, je ne savais pas ça. Je trouvais que ça sonnait Ace of Base aussi. Et toujours catégorie chansons qu'on n'entend plus, Madonna en 94 avec Secret. Et c'est vrai que Madonna, on entend ses premières chansons et ses plus récentes, mais ça, on ne l'entend plus trop. Et pourtant, Dieu sait que ça a été un hit. On a aussi entendu l'Australienne Kylie Minogue avec sa reprise de Locomotion de 1987, comme pour faire un clin d'œil aux girl groups des années 60 qu'on avait déjà exploré à l'émission et qu'on a entendu ici avec My Boyfriend's Back par les Angels en 1963. Et le tout qui a commencé avec Toon Yards, un groupe entièrement féminin à un membre près et qui est assez récent aussi. D'ailleurs, vous irez voir ça, je vous ai mis un lien sur Facebook, groupe Mélomanes et page Mélomanes Radio, d'une prestation vraiment excellente du groupe dans un studio de radio américaine qui est EXP de Seattle, en fait. En tout cas, allez voir ça, ça vaut la peine. Donc, Toon Yards qu'on a entendu avec Cinco de 2014. Et pour le prochain bloc, on s'en va complètement ailleurs. Vous savez comment que c'est, Mélomanes, dans le Québec profond des années 70, une composition de Stéphane Venn, Le Tour de la Terre, René Claude, au 99.1 CFNJ. Quand j'aurai marché sur chaque pierre, quand j'aurai vu les néons de mille villes, quand je serai redevenu docile, alors je reviendrai près de toi, mon amour. Quand j'aurai l'univers en mémoire, quand je saurai la fin de l'histoire, quand j'aurai les yeux saturés de lumière, quand je n'aurai plus besoin du grand air, alors je reviendrai près de toi, mon amour. Mais il faudra que tu m'attendes longtemps.

centre et sud de la Naudière. Nuageux avec quelques averses pour les prochaines heures. Du brouillard, un minimum de 2 degrés. Nuageux, quelques averses en après-midi pour jeudi. Température près de 1 et ensoleillé pour vendredi, maximum de 5. Et les secteurs du nord, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon pour les prochaines heures. Pluie ou brune qui cesse au cours de la période. Du brouillard, un minimum de moins 1. Jeudi, nuageux, quelques averses en après-midi, maximum de 1 degré. Et vendredi s'annonce ensoleillé, maximum de 4. CFNJ. Toujours à l'écoute du 99.1 et 88.9 CFNJ partout dans la Naudière, en plein cœur de notre spéciale Journée internationale de la femme à Mélomanes. Et oui, c'est très, très varié ce soir, mais vous êtes des vrais mélomanes, ça va bien aller. Laissez-vous bercer par la musique. On vient d'entendre notre deuxième groupe suédois de la soirée, l'autre étant Yakida, un genre de spin-off d'Ace of Base. Ah, ces Suédois qui savent donc comment faire du pop. Tous des enfants spirituels du groupe ABBA, faut croire. Donc, les Cardigans avec Love Fool, une chanson qui, ma foi, vieillit très bien et qui fait toujours plaisir à entendre. On est en 1996. Et juste avant, eh bien, c'était radical. On ne pouvait pas rendre hommage aux femmes dans toute leur splendeur sans entendre les prouesses magnifiques des grandes cantatrices d'opéra qui nous soulèvent de leur voix puissante. On a entendu l'air célèbre de la Reine de la Nuit tiré de la flûte enchantée de nul autre que Mozart, un singspiel allemand produit par la première fois en 1791. Un singspiel, c'est un opéra en allemand, semi-parlé, semi-chanté. Ça a l'air bien pointu comme ça, mais dans la réalité, c'est un air que vous connaissiez tous. Je suis persuadé de ça. Et c'était interprété par la virtuose nord-coréenne Soo Mi-jo, qui est d'une justesse incroyable et qui se trouve à être celle qui interprète la version qu'on entend dans le magnifique film Amadeus, voyez-vous. Ça, je l'ai appris cette semaine. D'ailleurs, Amadeus, allez voir ça si ce n'est pas déjà fait. Faut voir ça une fois dans sa vie. Et c'était précédé d'une façon tout à fait improbable par Janis Joplin, évidemment, avec un classique Mercedes-Benz qu'on pouvait retrouver sur son album Pearl, sorti de façon posthume en 1971, le tout a cappella. Et là, on reste un peu dans les mêmes années, 1969 plus précisément, avec une composition qui est entièrement basée sur le prélude en mi mineur de Frédéric Chopin, que je vais aussi vous mettre en lien sur Facebook. Tiens, pourquoi pas, vous serez à même de comparer avec celle qu'on va entendre juste à l'instant. On écoute Jane B au 99.1 CFNJ. Snow on everyone, so many things.

girls, we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Cross my mind. Oh boy, ça, vous vous attendiez pas à ça. D'après moi, toujours, vous êtes toujours au spécial Journée internationale de la femme à Mélomane au 99.1 CFNJ. Et oui, on a un jour de retard, mais l'émission est le mercredi, on ne peut pas passer à côté de ça. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et ça fait tellement 1991, il faut le dire, « Too Many Walls » de Kathy Dennis qu'on a entendu ici au Québec, surtout avec cette chanson-là. Donc, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Écoutez, on s'amuse ce soir, on va dans toutes les directions. Et un autre succès souvenir plus récent, celui-là de 2001, juste avant, mais ça fait déjà quand même 15 ans de ça, « Mary J. Blige » avec « Family Affair », ça c'était bon, qui suivait. En toute improbabilité, la magnifique, l'intemporelle Both Sides Now d'une toute jeune Joni Mitchell, seulement accompagnée de sa guitare en 1969. Un pilier du folk de ces années-là, Joni Mitchell, qui, anecdote en passant, avait souffert de la polio étant jeune et qui s'est mis à accorder sa guitare différemment pour faciliter les doigtés qu'elle avait de la difficulté à faire suite à sa maladie. Et ce faisant, a popularisé l'usage de différents tunings sur la guitare, différents accordages de guitare. Bref, comme je vous dis, petite anecdote en passant, c'est quand même fou, par contre, de voir que souvent les innovations naissent de la pure nécessité. Je dis pas que c'est elle qui a inventé ça, mais elle a certainement contribué à populariser la chose, disons. Et le tout qui avait commencé toujours en 69 avec Jane Birkin sur une composition de Gainsbourg, Jane B, basée, comme on disait, sur un prélude de Chopin que je vous ai partagé sur Facebook. Vous irez voir ça pour comparer si ça vous intéresse. Et nous, on se transporte à une toute autre époque avec des femmes qui ont marqué leur époque respective, mais qu'on n'entend plus autant. Mais leur musique, elle, est toujours aussi bonne. On commence en 1979 avec l'excellente Ricky Lee Jones au 99.1 CFNJ. Chuck E. is in love. Yeah, yeah. Chuck E. is in love.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Et on vient d'entendre un classique incontournable, tout à fait de circonstance, en ce spécial à retardement de la Journée internationale de la femme. Madame Franklin, Aretha de son prénom, avec You Make Me Feel Like a Natural Woman de 1967. Une chanson écrite par Jerry Goffin et Carole King, un duo de compositeurs à qui on risque de rendre un petit hommage à l'émission à un moment donné. Ça fait quelques fois qu'on parle de ce duo-là et il y a vraiment beaucoup de leurs compositions qu'on connaît, souvent sans le savoir, donc vous perdez rien pour attendre. Et sinon, eh oui, une reprise, imaginez-vous, d'une chanson de Britney Spears, chose que vous pensiez sûrement jamais entendre à Mélomanes, mais c'est chose faite, il s'agissait de la Britannique haute en couleur qu'est Lily Allen. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle fait des trucs très intéressants. On l'a entendu avec une reprise donc acoustique de Womanizer de 2009, originalement sortie un an plus tôt pour Britney. Et sinon, on était à une autre époque totalement avec le remix de Tom's Diner par Suzanne Vega en 1990, un air que plusieurs d'entre vous deviez connaître et qu'on n'entend plus du tout. Vraiment représentatif d'une époque, comme on disait, tout comme Eddie Brickle et les New Bohemians en 88 avec le gros succès What I Am, Eddie Brickle, qui est encore à ce jour l'épouse de ce cher Paul Simon, étant qu'à rester dans ce qui a marqué une époque et qu'on n'entend plus trop, on a aussi entendu en début de bloc Ricky Lee Jones, qui avait connu un succès fulgurant avec son premier album éponyme en 79 avec Chucky's in Love, pas mal le single de l'album. Ricky Lee Jones, qui, elle, jadis conjointe de Tom Waits. Et on passe au prochain numéro, un bon bloc bien charnu qui commence avec un air magnifique. Cet air-là, au 99.1 CFNJ. Thank you. d'être heureux, il fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu. Y a pas de ticket pour le retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Mon oncle est un avare, il se meurt de privation. Il a une fortune en banque, il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir, mon oncle dit oh non. Moi je me refuse à partir en laissant mes millions. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Au tombeau, j'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis, le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main, le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Gavons-nous de beignets, de frites et de poulet, le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Allons-nous dévorer dans les hôtels meublés, nous

graver sur leurs mots. J'en rêve. On ne parle jamais trop de la température. La pluie et le bon temps, c'est pas banal. On ne parle centre et sud de la Lanaudière, nuageux avec quelques averses pour les prochaines heures, du brouillard à minimum de 2 degrés. Nuageux, quelques averses en après-midi pour jeudi, température près de 1 et ensoleillé pour vendredi, maximum de 5. Et les secteurs du nord, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon pour les prochaines heures, pluie ou brune qui cesse au cours de la période, du brouillard un minimum de moins 1. Jeudi, nuageux, quelques averses en après-midi, maximum de 1 degré. Et vendredi s'annonce ensoleillé, maximum de 4. CFNG. Donc toujours à Méloman, en plein spécial Journée de la femme. Et si vous n'avez pas eu la chair de poule dans la dernière pièce, je pense qu'il faudrait consulter, mesdames et messieurs, parce qu'on vient d'entendre l'air intemporel qu'est Casta Diva, tiré de Norma, un opéra composé par le compositeur Vincenzo Bellini, produit pour la première fois en 1831 et qui est devenu un classique du répertoire par la suite. Et nous, on a entendu une version aussi classique que magnifique chantée par Madame John Sutherland, cantatrice de renom en 1964. C'est elle qu'on voyait sur la photo de la pub de l'émission ce soir, pour ceux qui l'ont vu sur Facebook. Donc, j'espère qu'on vous a fait apprécier l'opéra un tout petit peu, ce mal-aimé qu'on croit inaccessible. Et c'était précédé de façon toujours aussi improbable par notre Ariane Moffat nationale avec une de ses très belles pièces, La pluie et le beau temps, tiré de son album Ma de 2012, qui suivait une autre chanson ayant pour thème le temps au sens large. On parle bien sûr d'Isabelle Pierre avec Le temps est bon, qu'on ne se tannera jamais d'entendre. Encore une composition de Stéphane Venn, dont on a parlé tantôt, thème du film Les Mâles de Gilles Carl en 72, mais j'ai vu 70, bref. Faudrait que je revérifie. Je crois que le single est sorti en 72, mais le film en 70. On a aussi été dans le plus expérimental avec Nico, aussi au sein du Velvet Underground en 67 avec Femme Fatale, qui suivait l'extravagante Brigitte Fontaine avec Le Goudron, tiré de Comme à la radio de 71, album que je vous conseille vraiment pété, on peut dire ça comme ça. Et sinon, Petula Clark avec Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, qu'on peut pas s'empêcher de chanter, chanson de 68, qui était précédée de France Gall avec cet air-là magnifique de 66. Une chanson qui a été merveilleusement reprise par April March, américaine francophile, en 95. Très belle version aussi. Et nous, on poursuit toujours avec une composition de Stéphane Venn, qui est beaucoup représentée ce soir. Emmanuel au 99.1 CFNJ. Thank you. J'ai le goût de me faire caresser. Viens donc dans la chambre avec moi. J'suis tannée de les voir, parler de sport, parler de char. Laisse ta gang de rang pour une fois, pour un soir. Ma mère s'endort de bonheur, puis est dure à réveiller. Viens pas me faire à croire trop peur. Viens donc dans la chambre avec moi. On n'a plus l'âge de se pogner les mains toute la soirée. Des fois je me demande si t'as peur de rester seule avec moi. Réponds-moi. J'suis tannée de me faire embrasser dans le noir quand des chums t'attendent sur le bord du trottoir. J'suis tannée de me faire à croire ça va changer demain soir. Il est temps de faire une idée. Viens-tu dans la chambre avec moi? T'as peur de rester seule avec moi? Réponds-moi. J'suis tannée de me faire embrasser dans le noir quand tes chums t'attendent sur le banc du trottoir. J'suis tannée de me faire à croire ça va changer demain soir. Il est temps de faire une idée. Viens-tu dans la chambre avec moi? Amène-toi ta gang si t'es venu pour me voir. Amène-toi ta gang si t'es venu pour me voir. Amène-toi ta gang si t'es venu pour me. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. de la vie. Comprends

feel still. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Toujours à Méloman, spécial Jour de la femme au 99.1 et 88.9 CFNJ FM. Un mix très hétéroclite ce soir. L'important, c'est que ça représente la femme dans toute sa splendeur. Et on vient d'entendre tout un succès souvenir de 1993. En fait, single de 93, mais album de 92. On parle bien sûr de What's Up du groupe Four Non Blondes avec leur accoutrement grunge à l'excès. Vous irez voir le clip, si vous voulez voir ce que je veux dire. Une chanson qui s'est appelée What's Up et non What's Going On, comme on le répète souvent dans la chanson, pour une seule raison, qui est de ne pas se faire confondre avec le méga classique du même nom de Marvin Gaye. Donc, on a appelé ça What's Up au lieu de What's Going On. Et sinon, tout le reste du bloc qui se passait au Québec à différentes époques, par contre. Donc, juste avant Four Non Blondes, les sœurs Boulay, qui, elles, seront jamais nos blondes avec Map Monde, version hippie. EP, s'il vous plaît. Donc, cette version en particulier qui se trouve pas sur leur fameux album Le poids des confettis de 2013. Maudit que le temps passe vite, 2013 déjà. Mais, bien sûr, sur leur mini-album qui le précédait, que je préfère personnellement. Donc, le monsieur, il fait ses petites recherches et il fait même des petits liens partout parce que, juste avant, on a entendu Les chats sauvages de Marjo, un classique de 87 que les sœurs Boulay ont justement repris il n'y a pas tellement longtemps. Et sinon, évidemment, Marie-Michel Desrosiers, qu'il ne fallait pas oublier, même s'il était avec une gang de gars dans Beau Dommage, avec justement Amène pas ta gang de 1975, tiré de l'excellent album Où est passée la noce. Et le tout amorcé par Le monde à l'envers d'Emmanuel 2 ans plus tôt. Et là, on s'en va complètement ailleurs avec une vraie de vraie légende cubaine, Fredes Vinda Garcia, plus connue sous le nom de Freddy, qui chantait a cappella dans les clubs de La Havane et qui a enregistré un seul album avant de mourir un an plus tard, en 1961. Une dame qui, en plus, était d'une corpulence assez importante, disons, et qu'on surnommait même King Kong à l'occasion. Mais c'était peut-être aussi parce qu'elle avait une voix semblable à celle d'un homme en plus. Bref, vous vous apprêtez à entendre certainement une des plus légendaires versions de Bésame Mucho 99.1 CFNJ. Bésame, bésame, bésame mucho. Tal vez mañana

faut tout vous pardonner. Johnny. CFNJ. except for the Pope may be in Rome. Yeah.

il neige tout le temps. Walking Back au spécial jour de la femme mélomane 99.1 et 88.9 CFNJ dans tout la Naudière. Et oui, les Hey Babies du Nouveau-Brunswick, une très belle pièce de 2014. Et on est pas mal resté dans le folk d'ailleurs avec le classique de Tracy Chapman, Fast Car, qui reste une chanson spéciale. Je sais pas, elle a un petit quelque chose. Donc Fast Car de 1988, précédé en 95 par certainement une des chansons les plus féministes de la soirée. Une des artistes les plus activistes aussi, il s'agissait d'Annie DeFranco avec une de ses chansons les plus connues. Même si c'est une artiste assez underground, il reste que c'est vraiment 32 Flavors qui avait même été reprise par Alana Davis. Bref, il y aurait tellement de choses à dire, mais je regarde l'heure et la musique qui nous reste, puis je me dis qu'on va accélérer le pas un petit peu parce qu'on a commencé un peu plus tard ce soir. Donc, 32 Flavors, qui était précédé d'un autre classique en son genre, toujours de 95, One of Us de John Osborne. Et sinon, un autre registre complètement avec Madame Piaf, qu'on a entendu pour la première fois à l'émission avec Johnny « Tu n'es pas un ange » de 1953, précédé par le même Johnny, du moins j'aime le penser, évidemment « Fais-moi mal, Johnny » par Magali Noël, composé sur un thème quasi sado-maso en 1956, imaginé par Boris Vian. Et nous autres, on ne perd pas de temps, on y retourne avec... décidément, on est années 90 beaucoup ce soir. Les Cranberries au 99.1 CFNJ. like girls. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Out the watchword, just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution.

Et oui, toujours au 99.1 CFNJ, à Méloman, spécial jour de la femme, à un jour près, presque deux maintenant, et c'est pourquoi le tout s'achève déjà. On a eu quand même bien du fun. Donc, tout ça qui a commencé en 94, un album de 93, plutôt avec les Cranberries, groupe d'Irlande, qui a marqué les années 90, et mené de main de fer par Dolores O'Riordan avec Dreams, tiré de leur tout premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, avant la tempête de Zombie, qui les a fait connaître de par le monde. Et c'était suivi toujours en 94 par une incontournable ce soir, surtout si on explore les années 90, Tori Amos, avec une chanson, elle aussi, assez féministe, Cornflake Girl, qui aborde la question, entre autres, de l'excision. Et c'était suivi de façon tout à fait improbable, encore une fois, par un succès souvenir de 92, Marie-Carmen, Entre l'ombre et la lumière, à peu près dans le même temps que Tue-moi de Dan Bigra. On ne peut pas s'empêcher de chanter ça. Et tant qu'à mettre du Marie-Carmen, on met L'Aigle noir, mais l'original, évidemment, de 1970 par la grande Barbara. Et c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On s'était assez éclaté ce soir, faut l'avouer. On se retrouve dans une semaine, mercredi 21h, pour, imaginez-vous, un mélomane format classique, pas de spécial, rien. Et il y a déjà des trucs que j'ai très hâte de vous faire jouer. Manquez pas ça et passez une excellente semaine d'ici là. Et moi, je vous laisse avec une de mes préférées, une chanson mexicaine d'origine et popularisée par Dinah Washington. Mais voyez-vous, on a célébré la Journée internationale de la femme, mais une journée, c'est pas assez. On écoute What a Difference a Day Makes au 99.1 CFNJ. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue day. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow for me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is